Chapitre 5e. La crue des Pirons. Le train n'avait point fait un pas en avant depuis son arrivée. Il venait même de reculer d'un quart de lieue afin de se ranger à la queue de l'île. Les eaux croissaient avec rapidité et le passage entre les grèves était plus que praticable. Mais le vent soufflait du nord et les girouettes, tournées vers la poupe des bateaux, indiquaient clairement qu'il était impossible de remonter la Loire. Il arrive souvent au mois de mai, lorsque fondent les dernières neiges et qu'éclatent les premiers orages, de ces crues subites qui élèvent d'une façon considérable le niveau des eaux. On les connaît si bien dans la Basse-Loire qu'on les désigne par un terme particulier. On nomme ce débordement des premiers jours de l'été la crue des Pirons. D'ordinaire, les parties basses des ribes sont seules noyées. Il n'en résulte aucun dommage notable pour les riverains et le lit du fleuve, rempli pour plusieurs mois, redevient navigable aux plus grands bateaux. C'était donc la crue des Pirons qui se faisait sentir. Le train mouillé devant l'île avait dû chercher un abri contre le courant devenu trop rapide, et c'est pourquoi Arsène Vernot l'avait laissé couler doucement jusque derrière l'île. Amarré à deux gros troncs d'arbres au moyen d'un câble goudronné, les bateaux ne couraient aucun danger dans ces eaux paisibles. On voyait les hommes des équipages se promener sur le bord en regardant avec impatience les nuages qui venaient du nord. De la cheminée des cabines s'élevait la fumée du foyer sur lequel bouillait la marmite. Mais ce qui contrarie celui-ci fait plaisir à celui-là. D'autres bateaux, dont les mâts avaient été abaissés, profitaient de la crue et de la brise du nord pour descendre. Attachés côte à côte par groupes de deux et trois, ils dérivaient silencieusement, poussés par de grands avirons, pareils à de gigantesques tortues qui allongent leurs pattes en nageant. Les eaux avaient pris une teinte jaune foncé. Aucune grève ne se montrait à l'horizon, toutes les terres basses étaient cachées sous les îlots. À peine si quelques touffes de saules agitées par le courant se balançaient çà et là sur la plaine liquide, indiquant la place occupée par un banc de sable. Les pêcheurs, quittant leurs stations accoutumées, s'en allaient sur les prairies inondées promener leurs filets et jeter le soir leurs lignes sans fin garnies d'innombrables hameçons auxquels les anguilles viennent se prendre pendant la nuit. Le père Léonard et sa fille ne se trouvaient donc point auprès de la pierre Bécherel lorsque le docteur se présenta sur le rivage pour aller à la conquête de la fauvette bleue. Pendant plus d'une heure, il appela et chercha des yeux quelques bateaux. Il n'en paraissait aucun, et le docteur, impatient d'atteindre le but tant désiré de ses recherches, se livrait à des mouvements si extraordinaires que son fidèle Barbet en poussait de sourds gémissements. À force de courir et de sonder les anses du fleuve, le naturaliste passionné découvrit enfin un bateau attaché à un piquet par une vieille corde, et si vieux lui-même qu'il était à l'intérieur plein de vases et de petites herbes. Le long du bord était déposée une rame couverte de limons. Le docteur, qui avait longtemps navigué, n'hésita point à se confier à ce frôle esquif. Il le lança sur l'eau et Bistouri, fort contrarié de se mouiller les pattes, trouva moyen de s'étendre sur la redingote de son maître, ce qui était d'autant plus facile que celui-ci se tenait assis dans le fond du bateau, ramant à la manière du sauvage qui manœuvre sa pagaie. Malgré la rapidité du courant, le docteur put gagner l'autre bord, non sans avoir dérivé considérablement. Mais en descendant la Loire, il se rapprochait du lieu qu'il devait atteindre. Son cœur battait bien fort quand il enfonça la proue du bateau dans le fourré de luisette à demi envahi par la crue. Malheureusement, l'inondation avait changé en un marais ce frais bocage, et le docteur cherchait vainement où prendre terre. Le vieux batelet commençait à se remplir, l'eau filtrée par mille petits trous invisibles, lentement il est vrai, mais d'une façon continue. Il fallut que le docteur le vidât avec son chapeau, ce qu'il fit sans se décourager, sans éprouver pour lui-même la moindre inquiétude. Si la crue allait enlever le nid qu'il cherchait, si la Loire jalouse allait lui ravir son trésor, cette pensée lui donnait le courage de tout braver. Il savait nager d'ailleurs, et Bistouri avait souvent pris des bains en pleine eau. Aussi, bien que contrarié par des circonstances tout à fait défavorables, le docteur explorait des yeux les cimes des luisettes. Il regarda de tous côtés avec tant d'attention qu'il découvrit, au point de jonction de deux branches, une petite boule de duvet au-dessus de laquelle brillaient deux yeux d'oiseau. « Je le tiens, je le tiens !» s'écria le docteur en allongeant la main, et au moment où il saisissait le nid, menacé de près par les eaux, l'oiseau s'envola, agitant au-dessus de sa tête deux ailes d'un bleu de saphir. Le docteur regardait avec extase sa fauvette bleue, voletant autour de son nid et jetant des cris de détresse, et le bateau à demi coulé dérivait au courant. Peu à peu, l'eau gagna les genoux du docteur, le fond de la barque céda sous ses pieds, et il se trouva étendu tout de son long sur les flots. Il tenait haut la main qui portait le nid, de l'autre il nageait, et les basques de sa longue lévite, s'agitant comme des ailerons de requin derrière son dos, lui donnait l'aspect d'un monstre marin à face humaine. Bistouri, cependant, barbotait de son mieux, effarouchant par ses aboiements plaintifs la fauvette bleue qui ne cessait de voltiger au-dessus de la couvée qui lui était ravie. Ainsi, ces trois êtres, l'homme, le chien et l'oiseau, s'en allaient à volo. Mais celui que la nature avait pourvu d'elle voguait dans l'air et se mouvait dans son élément, tandis que les deux autres, entraînés par des flots impétueux, couraient le danger de perdre la vie. Cependant, à bord des bateaux amarrés à la pointe de l'île, on apercevait une forme indécise qui s'en allait à la dérive. « Mes amis, » dit Arsène à ses compagnons, « quand la Loire est grande, il y a souvent sur l'eau des choses qui seraient mieux sur la terre ferme. Je cours avec le bateau voir ceux qui flottent là-bas, qui même me suivent. » Le jeune marinier qui faisait à bord l'office de mousse le suivit aussitôt, et tous les deux ils ramèrent dans la direction du docteur que le courant portait à leur rencontre. À ce moment, la fauvette, effrayée de se voir si loin de la terre, fit entendre un cri plaintif et disparut pour toujours, laissant ses œufs aux mains du docteur Christian. « Dieu me pardonne !» cria Arsène. « C'est un homme, c'est le vieux bourgeois qui m'a cherché querelle l'autre jour. Eh, mais voilà son barbet qui patauge. Rame, garçon, il est temps de sauver cet homme-là. En vérité, il a l'air de se trouver bien où il est. Il nage sur le dos, et d'une seule main encore. » « Que diable tient-il en l'air ?» Le docteur élevait toujours hors de l'eau la main qui tenait le nid, mais ses forces commençaient à l'abandonner, et sans l'ampleur de sa redingote qui l'aidait à voguer, il eût infailliblement sombré en pleine Loire. Arsène le saisit d'un bras vigoureux, tandis que son compagnon maintenait le bateau dans la direction du courant, et après l'avoir hissé à bord, il le soutint pendant qu'il reprenait haleine. « Asseyez-vous là, sur ce banc. » « C'est votre chien que vous cherchez des yeux, n'est-ce pas? Le voilà, votre barbet. » Parlant ainsi, il enleva Bistouri par la peau du cou, et la pauvre bête se mit à se secouer, à renifler, à tousser, tout en témoignant par des caresses empressées sa reconnaissance envers son sauveur. Quant au docteur, il resta plusieurs minutes sans pouvoir articuler une parole. À le voir debout, le bras tendu, tenant toujours son nid de fauvette, ruisselant d'eau, et drapé dans les plis de sa longue redingote qui l'enveloppait comme un peignoir, on l'eût pris pour un de ces mannequins faits pour épouvanter les oiseaux, sur lesquels il aurait plu pendant 24 heures. Bientôt il reprit complètement possession de lui-même, et il put, sans le secours d'un bras étranger, monter à bord du bateau placé en tête du train. Arsène le fit passer dans sa cabine, et l'entoura de soins d'autant plus empressés qu'il persistait à le croire légèrement atteint de folie. « Eh bien, monsieur, vous ne m'en voulez plus ?» lui dit-il en souriant. « Votre chien m'a pardonné, lui aussi. »« Mon ami, » répliqua le docteur, « on a parfois des moments de mauvaise humeur, et puis on ne se juge pas du premier coup. Je vous avais cru un peu brutal, un peu arrogant. Vous m'aurez tenu vous-même pour un homme colère, emporté, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a d'incontestable désormais, c'est que je vous dois la vie, et vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Je ne demande rien. » répliqua fièrement Arsène, trop heureux de vous avoir obligé. Après tout, je n'ai eu à courir aucun danger. Écoutez-moi, mon ami, épousez-vous Madeleine, oui ou non ? Dame, la semaine passée, le père m'a fait la mine, vous le savez bien, puisque vous étiez présent. C'est lorsque je vous ai rencontré pour la première fois. Que lui passait-il par l'esprit ? Je ne l'ai jamais su. Ce que je sais bien, c'est qu'à cette heure, il m'accueille mieux que jamais, et Madeleine paraît tout à fait gaie. Eh bien, « quand l'époque des noces sera fixée, » répondit le docteur, « venez me prévenir tous les deux. Je lui ai promis un cadeau à elle aussi il y a longtemps. Maintenant, je lui en dois deux. Veuillez me reconduire à terre, car j'ai besoin de repos après les émotions qui m'ont assailli. Vous avez vu la mort de près, monsieur ? Oh, ce n'est pas là ce que je veux dire. Une heure, une demi-heure plus tard, les eaux emportaient ce nid, et jamais, peut-être, je n'aurais eu des œufs de fauvette bleue. » Le lendemain matin, la pluie tombait et le vent soufflait de l'ouest. Les sept bateaux hissèrent leurs larges voiles. Le train reprit sa route, refoulant le courant de la Loire débordée, dont les vagues bondissaient avec un sourd murmure. cette voix sonore des fleuves rappelle parfois la voix tonnante de l'océan. Arsène s'éloigna de l'île pour quelques semaines seulement. Il devait y faire halte en revenant de Tours et épouser Madeleine. Jacobert partit lui aussi le même jour, mais pour longtemps. Il ne tarda point à passer dans l'infanterie de marine, et à l'expiration de son temps de service, il restait dans les colonies pour tâcher d'y faire par lui-même cette fortune fantastique dont le père Léonard l'avait cru près de devenir héritier. Notre docteur, qui n'avait plus un seul point d'interrogation sur les marges de sa faune, en vint presque à regretter le temps où il manquait la fauvette bleue. Ne faut-il pas dans la vie un désir, une espérance? Lorsqu'Arsène vint, accompagné de Madeleine et de son père, l'inviter à ses noces, il leur servit une collation qui contrastait avec ses habitudes ordinairement si frugales. Le repas fut splendide, et les convives y firent le plus grand honneur. En versant à ses hôtes un petit verre de vieux cognac mis en bouteille depuis un demi-siècle, le docteur Christian leur dit « Arsène, vous m'avez sauvé la vie et vous avez sauvé le nid précieux qui m'avait coûté tant de peine à trouver. Vous, Madeleine, vous m'avez passé maintes fois dans l'île de Béhuard à toutes les heures du jour, accepté à titre de présence et quelques billets de 1 000 francs que vous offre un vieillard sans famille. Il m'en restera toujours assez pour aller au bout de ma carrière. » Madeleine, devenue la femme d'Arsène Vernot, habita, dans le bateau qui tenait la tête du convoi, une belle cabine tout enjolivée de dessins rouges et bleus. Quand le vent est bon et que le train a mis à la voile, elle se tient à la poupe, portant aux oreilles de grosses boucles d'or, au cou une belle chaîne du même métal ornée d'une croix, et c'est dans ce glorieux équipage qu'elle pousse de l'épaule, en mer et en galerne, la longue potre du grand bateau. Le père Léonard, resté seul dans l'île de Béhuard, a renoncé à la pêche au filet, mais il tend ses lignes de fond dans des lieux choisis qu'il connaît seul, et prend parfois de fort belles pièces. Son bateau ne lui sert plus qu'à promener les antiquaires qui vont en pèlerinage à l'île de Béhuard, et à passer sur l'autre bord de la Loire le docteur Christian, qui s'est mis en tête de trouver dans les buissons de la rive gauche la pigrièche à ventre rose qu'on n'y a vue qu'une fois encore. Ainsi se termine La fauvette bleue de Théodore Pavie.